R.O.T. Watchers. Ok. Qui aurait pu croire? Qui aurait pu croire qu'on part, qu'on redémarre? Qui aurait pu croire qu'on rappe? Pourquoi tellement se marre? Qui aurait pu croire que j'ai décidé d'y croire? Que mon rap a espoir de venir éclairer tout ce noir? Qui aurait pu croire qu'après toutes ces années, notre rap allait évoluer, qu'on allait progresser? Avant on venait nous couper, maintenant on vient nous écouter. Comment j'aurais pu croire qu'un jour on viendrait nous féliciter? Croire que certains peuvent le faire, mais dis-moi qui l'aurait cru? Pour vous étonner, je persévère, grattant vos vies sur instru. Je me bats pour tenir la barre, qui aurait pu le croire? Sûrement pas tous ces rats qui ne souhaitent que mon désespoir. Sans aucun manque d'espoir, on continuait dans le noir. Trop nombreux ont cru, on était coulés par le désespoir. Où on parlait comme des bâtards, les mêmes respectent notre art. Aujourd'hui ils savent, sur toutes ces choses on a fait part. Oh, ya ya ya ya, mais dis-moi qui aurait pu croire. Ya ya ya ya, je croyais que tu pensais tout savoir. Oh, ya ya ya ya, mais dis-moi qui aurait pu croire. Ya ya ya ya, courant pour redonner de l'espoir. Donc après tout ça, qui aurait pu le croire? Qui aurait pu le voir? Qui aurait pu savoir qu'on serait toujours là, toujours unis pour ce même combat, tant d'entretenir ceux qui tombent bas, tout en sachant où on va? Certains critiquent nos blasés, nous ont lassés. Qui aurait pu croire le niveau de nos phrases? C'est juste nos phrases et les récits de nos cœurs cassés du passé. C'est la langue française qu'on est venu tabasser. Quand je pense à tous ces gens qui critiquaient, quand je pense nous inconscients on calculait le sens de nos idées toujours sensées, la vérité comme but premier nous a tous fait avancer. On s'en bat de tout ce que tu peux penser. On rappe pas pour les sous, mais pour des textes sensés. Après tout ce qu'on a dit sur nous, on nous a mis la tête dans le noir. Mais nous on garde espoir, dis-moi qui aurait pu le croire. Oh, ya ya ya ya, mais dis-moi qui aurait pu le croire. Ya ya ya ya, je croyais que tu pensais tout savoir. Oh, que ces temps perdus nous prenons pour des fous. Ils pensaient que nos textes puent et n'ont pas cru en nous. Malgré les événements, nous sommes restés debout. Comment aurait-on pu croire qu'un jour on irait jusqu'au bout? Comment ont-ils pu croire qu'on allait retourner notre veste? Que le rap, on allait le fuir comme la peste. On sait que c'est toujours les mêmes gestes, toujours le même contexte, et ça se ressent dans nos textes. Alors tout est devenu fou, au lieu d'y croire, on se fout tout. Qui aurait pu croire à la passion des deux babtous? On est venu dire, faut bien penser, faut avancer. Qui aurait pu croire qu'on arriverait à vous faire danser? On s'est lancé, y'avait pas de chance. Mais qui aurait pu croire qu'on en deviendrait sensé? On se nourrit de sens, on pense aux conséquences. Qui aurait pu croire finalement on avance? Oh, ya ya ya ya, mais dis-moi qui aurait pu croire? Ya ya ya ya, je croyais que tu pensais tout savoir. Oh, ya ya ya ya, mais dis-moi qui aurait pu croire?